Vos gens sont bien malades. Envoyez-leur les sacrements, car personne dans Paris, excepté son Altesse divine, Madame la Banque, l'illustre Nucingen ou des avares insensés amoureux de l'or, comme nous autres le sommes d'une femme, ne peut accomplir un pareil miracle. La liste civile, quelque civile qu'elle soit, la liste civile elle-même vous prierait de repasser demain. Tout le monde fait valoir son argent et le tripote de son mieux. Vous vous abusez, cher ange, si vous croyez que c'est le roi Louis-Philippe qui règne. Et il ne s'abuse pas là-dessus. Il sait, comme nous tous, qu'au-dessus de la charte, il y a la sainte, la vénérée, la solide, l'aimable, la gracieuse, la belle, la noble, la jeune, la tout-puissante pièce de 100 sous. Or, mon bel ange, l'argent exige des intérêts, et il est toujours occupé à les percevoir. Dieu des Juifs, tu l'emportes, a dit le grand Racine. Enfin, l'éternelle allégorie du veau d'or. Du temps de Moïse, on agiotait dans le désert. Nous sommes revenus au temps biblique. Le veau d'or a été le premier grand livre connu. Vous vivez par trop, mon Adeline, rue Plumet. Les Égyptiens devaient des emprunts énormes aux Hébreux, et ils ne couraient pas après le peuple de Dieu, mais après des capitaux. Il regarda la baronne d'un air qui voulait dire « Ai-je de l'esprit ?